On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers. On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm going to go and I'm going to go. On the rocks. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars! Woo! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque. Bah oui, ça dépend des couvre-feux, des confinements, et puis bientôt ça va être les vacances. Ça aurait été une saison en pointillé, cette saison 2020 dans The Rock, cette année 2020. Eh bien, on est bien content de la voir partir cette année, de voir une nouvelle année arriver, mais nous n'allons pas céder à l'abandon total, puisque nous allons nous retourner dans The Rock sur l'année qui vient de s'écouler, avec quelques cadeaux supplémentaires ce soir, assez exceptionnels. On va commencer par se mettre dans l'ambiance avec les traditionnels albums de Noël. Eh bien oui, c'est une tradition tout anglo-saxonne de sortir des albums pour Noël. Eh bien, en voici un, celui de Jamie Colomb. Vous savez que j'étais absolument fan de Jamie Colomb, ce jeune morveux anglais à une tête qui avait une tête et un look à faire plutôt de la Britpop et qui pourtant faisait du jazz marchait sur les pas de Frank Sinatra. Eh bien, Jamie Colomb revient avec un album de Noël qui est un petit peu à double facette. Il y a une petite moitié de l'album qui tangue légèrement vers le sirop et vers la guimauve. C'est un peu le péché mignon pop de Jamie Colomb depuis quelques temps. Et puis, il y a d'autres morceaux un peu plus rugueux et un peu plus spectaculaires, comme celui qu'on va se passer maintenant, qui pour moi est un des sommets de l'album. Ça s'appelle So Many Santas. Et ça, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Père Noël dans les rues de temps en temps. Ils se bousculent un petit peu. Et voilà, ils cherchent le vrai Père Noël. Nous aussi, on cherche le bonheur ce soir dans The Rocks. Et je vais vous le proposer. Vous allez le trouver sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net, en rediffusion à Zef, sur Zef à Blois. On en reparlera d'ailleurs de Zef tout à l'heure. Voici donc Jamie Colomb avec So Many Santas, c'est un morceau qui nous donne envie de descendre l'escalier, voire de faire un striptease, voire les deux en même temps, mais c'est un peu dangereux, on risque de se prendre les pieds. Enfin bon, bref, voici donc le coup de cœur ce soir, c'est Noël et c'est Jamie Colomb. There's a one whose hat is falling off his head. There's a one who doesn't look like he could drive a sled. So take me to the leader of the greatest renown. There's so many Santas in this town. Now there's the one who can't control his eight reindeer. And that one at the mall seems to lack some basic cheer. So take me to the North Pole, to the top of the tree. Cause there's so many Santas. Do you agree? No, there's magic in all of his brethren. They always report to the king. He's the one who's at the heart of the engine. He's the one who makes us all sing. So if you walk by one of St. Nick's dynasty, be assured that he's part of the majesty, the guardians of Christmas, the jewels and the crown. But there's so many Santas in this town. But I love every one of these old clowns. Now where's the one who turns the whole world upside? Come on. all sing. All of you walk by, wanna say Nick's dynasty. Be assured that he's part of the majesty, the guardians of Christmas, the jewels and the crown. And there's so many Santas in this town, and I love every one of these old clowns. Now where's the one who turned the whole world upside? Être super cool ce Noël. Tout va être super cool ce Noël. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué et c'est la méthode qu'utilise Hills, mais c'est un petit souvenir forcément. Ça s'applique pas vraiment à 2020. C'était Hills donc avec Everything's Gonna Be Cool This Christmas 2002, je crois, ce morceau. Et puis Jamie Colomb, à l'instant, c'est une nouveauté. Juste avant, c'était le coup de cœur avec So Many Santas. Eh bien, ce soir dans The Rocks, pour lutter contre la morosité et pour cette année 2020 qui se termine, j'ai dit saison, pas du tout, hein, la saison dans The Rocks continuera, bon an, mal an. En tout cas, l'année 2020 se termine et c'est pas dommage, mais bah évidemment, ce qui nous a manqué dans cette année 2020, ce sont les concerts, ce sont les lives, ce sont les artistes sur scène qui défendent leur musique. Alors voilà, j'ai proposé comme ça, j'ai envoyé une bouteille à la mer aux artistes que je connaissais et je leur ai demandé si ça leur ferait plaisir pour cette dernière émission de nous envoyer leurs derniers travaux, leurs derniers morceaux, ce sur quoi ils étaient en train de travailler ou carrément des petits morceaux live. Eh bien, ils ont répondu présent pour certains d'entre eux et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, il va y avoir 5 très beaux cadeaux au pied de votre sapin. On va commencer tout de suite avec un groupe de Blois qui s'appelle Rolling June, un groupe plutôt de soul, voilà, de musique un peu cuivrée, on va dire, et un peu groove, mais ils ont réalisé une reprise de Jacques Brel d'Amsterdam. Alors, la voix de la chanteuse va peut-être vous dire quelque chose. Elle s'appelle Tumata et elle est venue dans ses studios avec un de ses précédents groupes qui était les Hydraga Island. Eh bien, elle revient et elle m'a fait le cadeau donc de m'offrir ce morceau enregistré pas spécialement pour nous, mais en tout cas qui n'a pas circulé beaucoup pour l'instant. Donc c'est le premier cadeau ce soir. C'est cette reprise du Amsterdam de Brel. Alors vous savez que moi la Sainte Trinité, hein, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors le Père c'est les Beatles, hein, pour moi. Le Fils c'est Bruce Springsteen et le Saint-Esprit c'est Jacques Brel. Voilà, ce sont mes trois artistes majeurs depuis toujours. Donc c'est un beau cadeau qu'elle me fait, qu'elle vous fait. Et voici donc le premier petit cadeau ce soir dans The Rocks. Et puis, pour l'émission, à part ces petits cadeaux merveilleux que nous ont offert les artistes au pied du sapin on The Rocks, eh bien, nous nous retournerons sur ce qui ont été les plus beaux moments musicaux pour moi, ou parmi les plus beaux moments musicaux pour moi cette année 2020. Car il y en a eu. Car si ça a été une année de Scheiden, pour la totalité de l'année, en tout cas, musicalement, il y a eu quand même des belles choses. Voici Rolling June, donc, avec Amsterdam, c'est dans The Rocks. Et c'est le petit coup de cœur de cadeau ce soir. Jusqu'en pleine lumière, dans le pont d'Amsterdam. dans les étoiles. Il glisse comme je pleure. C'est un vin fidèle. c'est si, si, il y a quand même eu des bonnes nouvelles et des bonnes surprises en cette année 2020. La preuve, en début d'année, c'était le retour de Outhouse Flowers, un groupe que j'avais adoré à la, quoi, dans les années 90, groupe irlandais, et qui revenait avec un de leurs meilleurs albums depuis bien longtemps, Let's Do The Thing, c'est le nom de l'album, et le morceau, c'était Three Sisters qui ouvrait donc ce disque un peu fou, un peu libre et délivré de toutes les convenances, couplet-refrain. Vraiment très très bel album des Outhouse Flowers. Et puis juste avant, c'était Rolling June avec Amsterdam. Eh bien oui, c'est un des six cadeaux, que disais-je, un des six cadeaux que m'ont offert des artistes cette semaine et dans les semaines précédentes, c'est-à-dire des morceaux enregistrés dans les conditions du live pour vous consoler de ne pas avoir vu de concert. Et une pensée à toutes les salles de concert et en particulier à l'Astrolabe ce soir dans On The Rocks. Eh bien on continue avec un groupe, cette fois orléanais, qui est le meilleur groupe de rock'n'roll du monde, d'Orléans et de Navarre. C'est les Sokoï Fever, donc, qui m'ont fait le cadeau. Sylvain était là la semaine dernière pour une émission que vous pouvez retrouver sur ontherocks.net. Émission thématique, évidemment, on le retrouvera, j'espère, début 2021. Mais en tout cas, les Sokoï, qui sont en train de bosser sur un nouvel album, eh bien, m'ont fait le cadeau de ces deux petits morceaux. Un microscopique où ils vous souhaitent joyeux Noël. Et puis ensuite, une reprise d'Iggy Pop et des Stooges avec I Wanna Be Your Dog, enregistré dans les conditions du live. Merci beaucoup les Sokoï, c'est un très beau cadeau pour moi-même et pour les auditeurs. Thank you. 2020 aurait dû être l'année du grand retour de Pearl Jam. Nouvel album, Gigaton. On vient de s'en passer un extrait, peut-être pour moi le meilleur morceau de l'album, ou un des meilleurs morceaux, c'était Never Destination. Et puis une grande tournée mondiale qui devait passer par la France au mois de juillet, où il n'était pas venu depuis très très longtemps. J'avais mes billets. Et bien voilà, Pearl Jam, évidemment, la tournée mondiale est annulée. Eddie Vedder a refait quelques petits morceaux en solo. Et puis ben, on attend le printemps prochain, l'été, et j'espère la libération pour les voir en concert. Et puis juste avant, c'était les Sequoia Fever avec Merry Christmas to Everyone et I Wanna Be Your Dog. On continue ce soir dans The Rocks à la fois à se retourner sur l'année 2020 pour cette dernière émission de la saison, parce qu'ensuite vacances pour The Rocks, et puis également à mettre au pied de votre sapin des petits cadeaux musicaux. Et pour ceux qui aiment le rock'n'roll comme on vient d'entendre, eh bien il y a un groupe qui défend le rock'n'roll et de belle façon à Blois depuis des décennies maintenant. C'est les Sharpers, où on s'est souvent diffusé des morceaux des Sharpers. Ben voilà, c'est du rock'n'roll dans ce qu'il a de plus juteux et dans ce qu'il a de plus power pop, on va dire, un petit peu plus saignant que le power pop. Et bien les Sharpers, donc, par l'intermédiaire de Mr Arondo, Christophe, que je salue ici de la Rock Setlist, qui mérite décidément la Légion d'honneur on the rocks, car le morceau des Rolling June en ouverture Amsterdam, c'est grâce à lui. Et puis ce morceau des Sharpers, c'est lui qui allait l'enregistrer avec son petit micro pour me l'envoyer spécialement pour cette émission d'On The Rocks. Et bien voilà, Mr Joe Peck tout seul. Alors c'est une version acoustique, évidemment, il n'y a pas le groupe au grand complet, que j'espère on retrouvera d'à partir du printemps, comme il va l'annoncer lui-même. En tout cas, il nous donne un petit aperçu de ce morceau qu'il est en train de travailler et qui, on ne peut mieux dire, s'appelle Happy New Year. Voici donc les Sharpers dans The Rocks, en tout cas Mr Joe Peck, leader et leader incontesté des Sharpers, qui nous présente lui-même son morceau. Salut Manu et tous les auditeurs de On The Rocks. Ici c'est Steph Joe Peck des Sharpers. Je suis là aujourd'hui pour vous chanter un morceau en acoustique de notre nouvel album qui s'appellera Just In The Nick Of Time, qui sortira au printemps, on l'espère, si nous avons réussi à obtenir assez de fonds. D'ailleurs, à ce sujet, on lance une cagnotte Litchi. Vous aurez tous les renseignements et tous les côtés pratiques sur la page Facebook du groupe Sharpers. Ce morceau s'appelle Happy New Year. Ouais, j'espère qu'on va tous se retrouver au printemps sur les scènes orléanaises afin de pouvoir jouer cet album. Et les Sharpers vous souhaitent d'excellentes fêtes et une bonne année. Salut Manu. Viva, viva rock'n'roll. C'est Christophe de la Rock Setlist. J'en profite pour piquer le micro à Steph Joe Peck. Alors nous, Manu, on est très content à Studio Zev de t'accueillir encore pour une année. Et j'espère que On The Rocks viendra longtemps, longtemps sur le Studio Zev FM Blaisois. On te souhaite une excellente année 2021 en espérant qu'elle sera bien meilleure que la 2020. À très bientôt, Manu. 3, 4... Tell me, is that the one new song for everybody you love? I'm not a preacher, my heart can't sing for these people I love. I've been a good, and I will give all what they want. I'm feeling good. I will give up what they need. Well, girl, tell me, I want to go these dance, but I can't check my heels. Sorry, Mr. Red Hair, but I had the Christmas and the New Year, baby, now I'm feeling down. And you can sit down on your best wishes. I'm feeling down, and I won't make any promises. Merry Christmas, Happy New Year to all the Purple Seekers members. Have a good time. Over years to the other and the other. pretty good. And I will give all what you want. I'm pretty good. And I will give all what you need. Merry Christmas, Happy New Year. To all the purpose of your step out. Have a good time. Have some good luck over years. To be out and be others. That's right. That's right. That's right. That's right, that's right, that's right. I believe in superstitions. Back to freckles on your face. Stick with me, sweet Marie. The floor is ours and these kicks are free. Après Mr. Joe Peck des Sharpers qui nous livrait un extrait de son album à venir avec Happy New Year's, merci beaucoup monsieur. C'était à l'instant Mondo Cosmo dans On The Rocks avec un des morceaux les plus réjouissants de cette année 2020. Oui, oui, il y a eu des choses réjouissantes dans l'année 2020. C'était Kicks, tiré du bel album de Mondo Cosmo. Alors voilà, j'ai demandé à plusieurs artistes si vous êtes en manque de live, si vous êtes en manque de présenter votre musique au public. Bah moi, je vous offre l'émission On The Rocks, là, celle-là, celle de ce soir, du 14 décembre. Et vous m'envoyez ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de travailler. Ce que vous avez envie de nous faire entendre. Eh bien, la plus réactive, ça a été Rivka. Rivka qu'on a déjà reçue dans On The Rocks, qui livre une musique absolument féerique, voilà, en apesanteur, avec sa voix reconnaissable entre mille. Eh bien, elle m'a envoyé très vite deux morceaux piano-voix pour cette ex-parisienne devenue loiretaine. Oui, oui, elle habite pas loin de chez vous maintenant, pour si vous écoutez la radio en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et donc, Rivka donc m'a livré deux morceaux, deux très beaux morceaux. On s'en diffusera une de ses compositions, on se la diffusera début 2021. Mais j'ai choisi ce soir de vous proposer un autre l'autre morceau qu'elle m'a envoyé, c'est une reprise de Grand Daddy, magnifique reprise, Now It's On. C'est juste pour vous, juste pour moi, juste pour nous. Merci beaucoup Rivka, et on la retrouvera au mois d'avril puisque son prochain album sortira, et j'espère qu'elle pourra venir en chair et en os dans les studios pour le défendre et nous en donner quelques aperçus. Voici donc encore un cadeau, c'est le quatrième d'une artiste, et quel artiste, Rivka? Now It's On, c'est dans The Rocks. Now that the key's in place, where the seas to be, it's him that I'm seasoned to be, in a season of it on me. I wouldn't tread my place, I got no reason to. In a season of it on me, best to lock up a front door. Once you're outside, you won't want to hide anymore. Light to light of a front porch. Once it's on, the lock of a front door. night took his plastic horn and his tone so bright. Circles got so small, he spun himself underground. I saw him once in a downtown bodega, buying apples, I think, and a can of cream soda. His music made me question the shape of my life to come. And now he's gone and screwed himself in the ground. The circle went round and turned my world upside down. The circle went round and turned my world upside down. Cette année 2020, à l'instant, c'était les Cowboy Junkies avec leur Ornette Coleman, morceau évidemment en hommage à Ornette Coleman, le célèbre saxophoniste. Et puis, il y avait Rivka juste avant avec vraiment une très très belle version du Now It's On de Granddaddy. On retrouvera Rivka beaucoup beaucoup dans l'année 2021 dans The Rocks. C'était vraiment très beau, puisqu'on était dans les voix féminines qui m'ont enchanté durant cette année 2020. Eh bien, ça avait commencé avec celle-ci. Une artiste que voilà jusque-là j'avais pas trouvé transcendante, mais sur ce morceau-là, elle avait décidé de sortir les guitares, de devenir un peu plus cradingue dans le son. Et vraiment, ça a été un très très beau choc. Ce morceau a été composé et diffusé à la toute fin de 2019, mais il est passé dans The Rocks tout début 2020. Et pourtant l'année commençait bien. Voici King Princess avec Ohio, morceau fabuleux. Has it been in Ohio, babe? Do you think about me when you're going home? 'Cause I've been getting rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it? Girl ain't next to me. what's good? Is it me or is it you? So what's good? Is it me or is it you? Cause when I think about it, what's good? Is it me or is it you? I'll cut you in China. Vous êtes toujours dans The Rock ce soir pour la dernière émission de la saison. Nous nous diffusons des petits cadeaux envoyés par des artistes. Alors ça, ce n'est pas un. Des artistes qui m'ont fait la gentillesse d'envoyer des morceaux sur lesquels ils sont en train de travailler ou des morceaux dans les conditions du live. Eh bien là, c'était plutôt le versant. On se retourne sur l'année et bien sûr, cette année, il y a eu le grand retour de Bruce Springsteen and the E Street Band sur album. On n'avait pas entendu ce son vraiment typique du E Street Band sur album depuis bien bien longtemps. L'album s'appelle Letter to You. Et le morceau, l'hymne, un des hymnes de cet album, évidemment, c'est ce Ghost où Bruce Springsteen se retourne sur son passé, mais de façon joyeuse. Et juste avant, c'était King Princess avec Ohio. Voici encore des Américains, et eux aussi ont choisi la joie plutôt que le sarcasme ou le nihilisme. Et ben voilà, ils ont dit, ben nous, on décide de sortir un album qui chante l'amour de l'autre, le bonheur et la joie de vivre. Et bien, ils ont bien raison. Il s'appelle Nada Surf, et voici le morceau Come Get Me, tiré de leur excellentissime album qui est sorti, lui aussi, en 2020. Time. So many more. De cet automne et ce début d'hiver dans The Rock. C'était un des bons moments de 2020. Il est tout récent. C'était le dernier morceau des Brand New Zeros avec Cigarette, morceau que je dédie à Duduche qui écoute On The Rocks depuis 67 ans maintenant. Et Nada Surf juste avant avec Come Get Me. Et il y a eu un été, et oui, on a du mal à s'en souvenir aussi, il y a eu un été dans cette année 2020. On The Rocks, on vous reparle de cette année et on vous donne des petits cadeaux musicaux envoyés par des artistes qui nous livrent leurs morceaux dans les conditions du live. Eh bien, il y a eu un été et moi, mon tube de l'été, c'était ceci. Ça s'appelait Stu Larson. On s'est beaucoup diffusé ça. Et le morceau, c'est Whiskey and Blankets, morceau imparable. I'll grab the whiskey, you get the blankets. We'll settle in for a little while. Tell me that story about your secret. You know the one that makes me smile. We'll talk for hours, we've got the time. I wanna be with you right through the night. Let's be together until the morning. Stay awake and watch the sunrise. True love and genuine happiness. I'm never gonna ask for more than this. So please don't be surprised when I say to you, darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Out in your garden. Under the moonlight, shining bright, never gonna fade. We started dreaming, right in that moment. for the things we're gonna do someday. We'll take our cameras, let's disappear. We can find ourselves and get lost again. But you're getting tired, though you deny it. Let me play this guitar while you drift away. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this. So please don't be surprised when I say that you want it. It's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. True love and genuine happiness. I know you're never gonna ask for more than this. So I was not surprised when you said to me, we could get married, no fancy wedding. A simple day is all you need. A house in the country, our own little garden. Honeybees, two cats and one sheep. We'd have each other, we'd be so happy. If only the bare necessities. So please don't be surprised when I say to you, darling, it's alright. I'm not going anywhere, I wanna be right by your side. Yeah. belle surprise aussi de cette année 2020 à l'instant, c'était les Cayucas avec California Girl en plein trip Beach Boys. Et puis juste avant, morceau encore supérieur, c'était Stu Larson avec Whiskey and Blankets. Eh bien oui, il y a des artistes que l'on suit depuis de nombreuses années dans On The Rocks. Et un de ces groupes qui a fait l'histoire d'On The Rocks s'appelle 16 Pack. Ils sont venus, je ne compte plus, peut-être 3-4 fois dans les studios d'On The Rocks. Et à chaque fois qu'ils sortent un album, eh bien je les défends pour cette musique aérienne servie par une magnifique voix et des morceaux qui sont imparables, chantés en anglais. Eh bien, figurez-vous que François, le guitariste et fondateur de ce groupe 16 Pack, est un fidèle auditeur et il est souvent là pour me dire là le son est pas bon. Et c'est vrai que souvent le son est pas bon. Hein. Des fois, je règle le micro un peu pourri, mais bon, voilà, on essaie de s'améliorer. Et voilà, il est mon oreille et ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il écoute de l'autre côté de la radio. Eh bien, il a décidé lui aussi de m'envoyer son dernier travail. Il est en plein nouveau projet. Donc François, ça s'appelle Les Vies de François. C'est en français cette fois. Ça ne chante plus en anglais. C'est lui qui chante, qui s'y colle, qui compose. Et il est en train donc de travailler certains morceaux. Eh bien, il m'a envoyé un morceau qu'il est en train de bosser spécialement pour cette émission spéciale Noël et fin d'année d'On The Rocks. Lui aussi, à qui les concerts doivent manquer cruellement. Merci beaucoup François. Voici donc Honor par Les Vies de François. know what you think. There are things, there are people. There are things, there are people. And reaching for her keys, she walked me to my side of the car. It's not that I want you to leave. Morceau également qui a vu le jour dans cette année 2020. À l'instant, c'était Damien Jurado avec Ali Sayat. Et puis, Lévi de François juste avant avec Honor. Merci beaucoup, François. Eh bien, le dernier cadeau de Noël, c'est maintenant dans The Rocks, puisque l'émission va bientôt toucher à sa fin. C'est Norman Wood qui, est arrivé in extremis. Mais de quelle belle façon, hier soir, il m'a envoyé 4 morceaux enregistrés chez lui, guitare acoustique, voix, 4 reprises. Magnifique. Alors, ça a été dur de choisir. J'ai choisi pour vous le Pale Blue Eyes, morceau du Velvet Underground. Voilà, j'espère que ça vous plaira et merci beaucoup à Norman Wood qui est déjà venu lui aussi dans les studios ici dans The Rocks, qui avait livré un album magnifique il y a quelques lunes de cela et qui doit attendre les concerts lui aussi avec beaucoup d'impatience, le retour des concerts. Voici donc sa reprise du Velvet, c'est un cadeau rien que pour vous, merci beaucoup. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. Mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on pale blue eyes. Linger on pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, put you in the mirror. Put in front of me. I put in front of me. Linger on your pale blue eyes. finger on pale blue eyes. Skip the life completely, stuff it in a cup. So nice like it's in time. It lies but can't stand up. Down for you was up. Linger on pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Let's get what we did yesterday and do it once again. The fact that you're married, I'll prove you're my best friend. It's truly, truly a sin. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Avec Pale Blue Eyes, et à l'instant derrière ma voix, c'est un des albums surprise de 2020, un album entièrement instrumental, avec ce morceau imparable qui tourne, qui tourne et qui tourne encore depuis quelques semaines sur ma platine. C'est Ben Harper avec le morceau Paris. Voilà, ainsi se termine la dernière émission de 2020, une année qu'on est content de se voir, de voir se refermer, bientôt 2021. Merci beaucoup à Rolling June, Sokoi Fever, Sharpers, Rivka, Lévite François et Norman Wool de m'avoir envoyé leurs petits morceaux cadeaux ce soir dans On The Rocks. Je vous retrouve probablement début janvier. Alors soyez attentifs sur le Facebook de l'émission et sur le site ontherocks.net, car normalement il devrait y avoir un couvre-feu à partir de 20h et ça hypothèque complètement l'idée de faire l'émission On The Rocks en direct comme je le fais ce soir. Donc elle sera probablement diffusée début janvier sur le site ontherocks.net et uniquement là, à moins que le couvre-feu ne soit levé. Et ensuite, une fois que le couvre-feu sera levé, eh bien je reviendrai en direct dans On The Rocks sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Merci beaucoup à tous d'être fidèles. Merci à l'abeille, à Duduche, à Christophe Arondo et à toutes et tous qui suivaient On The Rocks depuis tant d'années. Nous, on se retrouve début janvier. Vous pouvez en attendant écouter les émissions sur le site ontherocks.net dans l'onglet émissions récentes. Et puis on va terminer l'émission ce soir avec un extrait du dernier album de Chilly Gonzalez, qui vient de sortir un album de Noël totalement réjouissant, pratiquement uniquement au piano avec des vieux standards. Ça va de Jingle Bells à un morceau de Wham, évidemment Last Christmas. Et puis il y a ce morceau enregistré avec Faith, sa vieille complice, enfin sa grande complice, pas bien de dire vieille pour une demoiselle, c'est pas très bien, sa complice de toujours, on va dire, Faith, qui était passée elle aussi au micro dans The Rock. C'est une très très belle rencontre, je m'en souviens, sur les marches de l'Astrolabe. Un petit coucou à tous les membres de l'Astrolabe, Romain, Duff, tout le monde, Monsieur le Président, Monsieur Rob, voilà, tout le monde, on espère, Julie, j'espère qu'on vous reverra bientôt et qu'on reverra bientôt des concerts sur la scène de l'Astrolabe. Allez, ciao, je vous laisse avec cette chanson de Noël, ça s'appelle The Bannister Box, c'est dans The Rocks et ça termine cette émission. Joyeux Noël à tous et rendez-vous début janvier 2021. Ah oui, enfin une nouvelle année. We came to make this house a home with pure and good intent. The lilacs and the butterflies showed us what home meant. They did the work that beauty does till leaves shook to the ground and rain like candy cane made snow to turn the season round. The people from the times before Foi interrompido, não prosseguiu, realizou-se depois no dia seguinte.